Je suis comédien, je dors le matin, je dormirai même jusqu'à 2 heures. S'il n'y avait pas dans la rue en bas ces abrutis et leurs marteaux piqueurs, alors je me traîne jusqu'au bistrot, à gare, j'avale 4 expressos très fort. Je demande tous les journaux, mais je ne lis que la page spectacle. Le reste, je ne m'en soucie guère du moment qu'il n'y a pas la guerre. Je suis comédien, j'apprends que machin va jouer Scapin, un rôle pour moi. J'apprends que Dubon va jouer Néron. Ah, il sent mauvais comme un cochon. Enfin, franchement, quand je me regarde, qu'est-ce que j'ai de moins, hein, que Humphrey Bogart, que Mastroianni, que Peter O'Toole. J'ai tout, la sensibilité, la violence, rien qu'un peu de chance. Et moi aussi, je serai l'idole des foules. Je suis comédien et je sens soudain mon destin à portée de ma main. Alors je remonte prendre mon bain, je me sens des ailes, Paris, tiens-toi bien. Je fonce à Boulogne, Billancourt, je dis je veux voir Monsieur Dartmouth. En conférence, ah là là, aucune importance, j'attendrai, je suis dans un bon jour. Je suis comédien, et quand le soir vient, que je n'ai pas vu Monsieur Dartmouth, tant pis, je m'en vais, bonsoir aux copains. Et puis le métro, cœur chagrin, cœur lourd, c'est que dans ma tête, le lampion s'éteint, dans mon cœur se meurt le bout en train, que l'affreuse peur du lendemain étreint. Je suis comédien, chez moi je reviens, ne croyant plus en moi, ne croyant plus en rien. Grâce à Dieu j'ai encore du whisky, c'est cher le whisky, oui mais ça guérit. Au troisième verre déjà j'oublie ma vie sans amour, ma vie sans amis, vie que j'ai voulu seulement remplie de moi et de moi et de moi et de moi. On croit que c'est énorme un moi, c'est tout petit. Je suis comédien, bientôt je suis plein d'alcool, plein de rêves, l'espoir me revient. Je suis comédien comme une tempête, les répliques tournent, tournent, tournent dans ma tête. Je suis comédien, chante, c'est à moi, et j'entends la foule hurler de joie. Je suis comédien, j'ai le monde en main, je suis roi, je suis Dieu, mieux que ça, je suis comédien.